liberté, égalité, fraternité. Impôt astronomique. Paris c'est beau, c'est chic. Négro en Porsche, qu'est-ce que ça pique. Y'a quoi. Les keufs en ont marre, se suicide. La banlieue pleure donc on est quitte. Soit t'aimes cette grâce, soit tu la quittes. J'ai plus en France. Benzema n'est plus dans l'équipe. Les vrais gars sont en fuite. Les poucas font des pipes. De la merde dans le top 6. Depuis que la musique vaut un clic. Beaucoup de tristes dans ma musique. Mal poli sur mes polémiques. C'est clair, tu vois là les pipes. Seul me faire craquer que c'est comique. Ici y'a rien de touristique. Le prix du billet c'est un smic. Hamburger brocoli. Y'a plus de pâle que de en Afrique. Hey. L'Occident tue l'Afrique. Le train veut pas que je baisse la petite fille. Marion Maréchal, Marion Maréchal. Dis ça de façon ironique. Personne vient millionnaire en touchant le smic. Gang, c'est pas nous faire croire qu'on est tous égaux. Pendant que d'autres ont des paradis fiscaux. Maintenant le bois, Jardin, Chicago. Sans de France, gangstar, sur un route ghetto. Chez nous c'est les armes qui répliquent. Bon courage. Il sera leur préféré dans ses pics. Ah, y'a quoi ici. Les gros y'a quoi ici. Kevin y'a Moutouki. Oyoki. J'espère qu'on Oyoki. Les sauvages de Haïti, Haïti, Haïti. On est tous de partage. Waouh. Y'a que Dieu qui est éternel. Dieu est grand. Beaucoup de tristes dans ma musique. Mal poli sur mes polémiques. Cette terre qui voit là les flics. Veulent que je craque que c'est comique. Ici y'a rien de touristique. Le prix du billet vaut un smic. Le racisme est bénéfique. Éric Zemmour se fait du fric. Cette planète est illogique. C'est la guerre dans l'océan Pacifique. L'amitié peut finir vite. Demande au cadavre à Kadhafi. Ce pays est sodomique. Une élection égale une bique. Une élection de la République. Les rebelles tués par les schnitz. Cocaïne et politique. Souvent ensemble dans le même type. Beaucoup tristes comme ma musique. Mal poli sur mes polémiques. C'est clair qui voit là les flics. Veulent me faire craquer que c'est comique. Ici y'a rien de touristique. Le prix du billet c'est un smic. Hamburger brocoli. Y'a plus de balles que de en Afrique.